Sabían, se mal se vían, y tú a ninguna ni tu volvía. Y ese nan sube en demon, para fue a Cebu y para fue a Cebu. Un jour c'est toi, un jour c'est moi qui vais bien faire le premier pas. Chacun son tour, mais en tout cas ce n'est jamais chacun. Un jour c'est toi, un jour c'est moi qui vais bien faire le premier pas. Fois ton qui era moi tout à l'envers ou à l'endroit. Ça va, ça vient, c'est mal, c'est bien. Ni toi, ni moi, ni pouvons rien. Les énans, souvent des mots, parfois se oui, parfois se non. Dieu que c'est bon d'être un peu furos que la vie s'éteint. Dans tous les temps, l'amour se joue en